Non, c'est pas ça. Et donc je suis avec Sylvain et Turiane. On vient de jouer un scénario de la campagne L'Ordre et le Sauvage, donc qui s'appelle La Bouche et le Bec, après 2 ans d'interruption de la campagne. Et bien déjà, Sylvain et Turiane, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? J'ai repris pied avec le personnage, mais à nouveau désemparé, ouais, par la fin. Il y avait de la rédemption, de l'espoir qui arrivait. Et Et non. puis non. Donc un peu dur, un peu dur. Moi, je suis motivé à la suite. Ça va bien. Scénario intense en émotion. Mais oui, j'ai des perspectives qui sont différentes de celles du dernier scénario. C'est pas plus rose. Mais voilà, en tout cas, c'est un personnage qui a de fortes perspectives et ça me motive. Et j'ai retrouvé avec plaisir effectivement ce personnage. Et toi? Bah moi ça va, c'est vrai que j'étais content que vous me redemandiez de reprendre la campagne, puisque du coup on l'avait laissé tomber, problème d'organisation, puis on était reparti dans d'autres aventures ludiques. Et puis vous m'aviez expliqué que ça vous aurait fait plaisir de reprendre le. On a pris un petit peu de temps là au début pour se remettre un peu les persos en tête, quoi. Et puis, ça va, on est quand même bien reparti, hein, j'ai trouvé. On a bien retrouvé les persos, quoi. Et puis, d'une certaine façon, je trouvais que le scénario-là était un bon prétexte pour les faire progresser, en fait. Faire progresser les personnages. Donc, je suis assez content. Voilà. Assez content de ce redémarrage. Et donc, tout va bien pour le moment. Et du coup, la question, la traditionnelle question qui suit, c'est de quelle scène vous avez envie de nous reparler en priorité? Alors, je pense pas à une scène en particulier, je pense à une succession de scènes où j'ai eu l'impression que la colère, voire la rage qui possède mon perso, Erin, a été instrumentalisée pour. Ou elle s'est laissée instrumentaliser aussi, hein, pour servir les intérêts d'une entité. Et je pense que j'ai eu plusieurs confrontations vis-à-vis de ce personnage, en tout cas confrontations vis-à-vis des événements, que ce soit lors de l'affrontement avec les goupilles, lors de la scène effectivement contre la créature à la fin. Où il y a la question de son orgueil, la question de son ego, et que je pense que c'est un personnage qui s'est noyé dans sa colère, qui est allé vers la magie noire pour des questions de colère, et Ouais, puis comme tu l'as dit toi-même, Mercurius, était plutôt dans le mood d'instrumentaliser ça, parce que oui. quand tu as proposé une malédiction, il souriait et tout, il était assez content, quoi, que tu te laisses aller justement à exprimer tes malédictions, à pleine balle, quoi. Alors, et je pense que, en tout cas, et ça m'offre une perspective, parce que j'ai sacrifié à la créature, j'ai sacrifié Mercurius. J'ai décidé effectivement de le sacrifier, parce que je pense que de toute façon, je n'arriverai pas à me dépêtre du cercle noir, et qu'entre le cercle noir et la voix du bouc, c'est très fin, hein, comme frontière, et que je pense que je vais devenir une sorcière chasseuse de sorciers. et que ben, je trouverai ma rédemption là-dedans. Alors, je vais aussi buter du goupil. Hein. Ça reste On a bien compris, ça reste un acquis une petite dent contre eux. du personnage. Mais effectivement, je pense que ce qui va me motiver, ce qui va me permettre aussi de conserver le personnage dans sa. Je sais très bien qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose contre les sorciers, ça va forcément servir à la créature que j'ai vue dans les tréfonds, mais que je leur enlèverai à chaque fois un serviteur. Ouais, surtout que je crois que c'est Mercurius, à un moment, il l'a plus ou moins dit, parce que Antise a accusé Mercurius de dévoyer la voie du cercle noir. Et en fait, l'opinion de Mercurius, c'est que la voie du cercle noir n'existe pas, en fait. C'est juste une voie royale vers la voie du bouc. En fait, pour lui, pratiquer la magie noire, ça finit forcément par te mener à vénérer le bouc noir. Après, a-t-il raison ou tort? En tout cas, c'est l'hypothèse qu'il défend, quoi. Pour l'instant, je pense pas. Ouais, Effectivement, je ne vénère pas le bouc noir. Je l'ai prouvé. J'ai perdu ma ouais. lance en essayant de lui lancer. J'aurais aimé lui faire un petit peu mal, mais bon, tant pis. Ça, c'est une question de Rien. fierté. Rien. Absolument rien. Voire même, j'ai paumé ma lance. Enfin, il a gentiment, goulûment mangé. Donc voilà, donc cette scène en tout cas de bataille finale, en tout cas de dilemme final, et je pense que le moment où elle a pas voulu s'agenouiller, et là, ce moment-là, je pense que j'ai touché du doigt une partie du personnage assez longtemps, je pense que depuis peut-être quand elle s'est fait capturer par les écorcheurs à Noirmont-Ferrand. Son ego, il s'est trouvé écrasé par la scène de torture, par tout ce qui en est suivi, et du coup, j'avais plus d'ego, j'avais que de la rage. Et du coup, j'ai retrouvé dans le personnage, à un moment donné, il y a son ego qui a dit, j'ai pas traversé ça pour me faire avoir par un espèce de magicien pourri qui sert une déité enfin, à laquelle je. C'est non. Et que du coup, bah, si j'ai à me servir de. Parce que ça peut être me bouffer aussi, hein, la magie, bah, du coup, je la mettrai à service de quelque chose. Que peut-être le personnage estime faussement libérateur, mais peut-être de. J'ai ajouté une deuxième catégorie de personnages indésirables à la liste des règles. Et j'ai trouvé la scène de la rivière à traverser particulièrement émouvante. Mais je vais peut-être te la raconter, c'est toi qui l'as vécue. J'étais que spectateur. Oui, en effet, moi c'était. Enfin, non, c'était aussi acteur. Mais oui, pour Néné, je pense que le choix de l'initiation et le franchissement de la rivière, ouais, je pense que ça, c'est la scène la plus marquante pour cette soirée. Et ouais, et vraiment émouvante de se retrouver de l'autre côté de la rivière. Trempé, chamboulé, dénaturé, mais d'avoir cet ancrage auprès d'Erin et d'avoir Antise aussi qui nous rejoint, ce qui était du coup d'autant plus cruel. Je m'étais dit que ça pouvait du coup partir sur. Bah, on n'est plus un duo, enfin. Si on compte pas Juliette, mais de partir sur un trio, je pense que ça aurait pu être une perspective chouette. Ouais, d'ailleurs, ce qui est avec le recul, quand on parle, ce qui me frappe finalement, c'est que quand Antise traverse la rivière aussi pour vous rejoindre, je pense que c'est aussi un moment de bascule de ce PNJ. Je pense qu'avant, en fait, c'est un PNJ, donc ce PNJ à qui te propose l'initiation, en étant quand même assez très très vague sur les modalités exactes, c'était quoi cette initiation, c'était quoi les conséquences, en cachant plein d'informations, parce qu'elle connaît ton passé, le passé que vous avez eu ensemble, et elle ne te le raconte pas vraiment. C'est un personnage que je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais qui peut apparaître comme assez manipulateur au début, quoi. Et en fait, je pense qu'une fois qu'elle franchit la rivière, elle bascule totalement dans son comportement, où elle est beaucoup plus en empathie avec vous et tout. La relation se crée, je pense, enfin se recrée à ce moment-là, en fait. Et ce qui est intéressant, toujours sur cette scène de la rivière, bon, qui est la scène centrale du scénario, de toute façon, C'est que moi, je sais, j'ai déjà fait jouer en one shot. Je crois que j'avais 6 personnes. 5 ou 6 personnes, j'avais beaucoup de monde. Et du coup, le message d'initiation, il était très très global. Enfin, tout c'était fait en groupe, quoi. Avec 5 ou 6 personnages qui franchissent la rivière en même temps et tout. Et donc, bon, bah, évidemment, le jouer là comme ça, juste avec vous deux, et qu'en plus, il n'y avait que toi qui faisais l'initiation, bah, on a pu passer beaucoup de temps là-dessus, et notamment aussi sur l'avant, la préparation mentale, tout ça, bah, un peu le discours de chasse et croisée, parce que d'abord, il faut te convaincre. Tu pars pas convaincu, j'ai l'impression, hein, que c'est pertinent de faire ça. Donc, et puis, bon, bah, évidemment, en plus de ça, la différence par rapport à la fait jouer en one-shot, c'est que tu as tout le poids de ton passé, tous les questionnements, le fait aussi que tu ne sois pas humaine, mais masque d'or, ce qui change aussi beaucoup de choses dans cette espèce d'enjeu de devenir Korax. Je pense que de passer de masque d'or à Korax, ça fait plus, je pense, à franchir que tu es humain et tu deviens Korax. Donc du coup, bah, évidemment, la scène était beaucoup plus forte qu'en one shot, même si j'ai un très très bon souvenir de ce one shot-là. Bon, bah, évidemment, l'aspect campagne et l'aspect individuel resserré permettaient de la jouer beaucoup plus, quoi. Et toi, en dehors de la... Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué en dehors de cette oui, bah, à la limite, une scène parce qu'elle n'était pas mappée, quoi. C'est la scène où toi, tu veux faire de l'artisanat et tout, et du coup, tu rentres en contact avec un PNJ, du coup, qui est improvisé, quoi. Qui est un tailleur de pierre, quoi. Et il y a toute cette relation où il t'apprend à tailler la pierre, vous apprenez ensemble la langue putride. Et puis, bon, bah, du coup, il se retrouve ensuite fait prisonnier par les goupils, quoi. Et donc, bon, c'est un peu compliqué de se dire que c'est un PNJ qui va vous suivre, parce que je pense que là, vous avez fui, je vous vois mal retourner. Au calvaire le récupérer. Bah, on a Juliette à récupérer, oui, en fait, plus Carmen. Ah, vous avez laissé Juliette. Ouais, on ne l'avait pas prise. C'est vrai, c'est on s'est dit que c'était... Ouais, bah, vous êtes obligé d'y retourner. Ouais. Après, bon, c'est pas... pour le coup, c'est pas forcément risqué, dans le sens où... pas dit qu'il y avait d'autres zélotes que... Ah, il n'y a pas intérêt. De toute façon, je suis chaud, là. Non, mais on va peut-être venir nous demander des comptes... Mercurius ne revient pas, quoi. Antis ne revient pas. Oui, c'est vrai. Oui, tu demandes des comptes, tiens. Donc, on est parti à 4, on revient à 2, quoi. Et c'est les deux étrangers. Alors, je ne suis pas vraiment un étranger. Je suis étranger. C'est les deux derniers. Oui. Les deux derniers arrivés, si tu préfères dire comme ça. Oui, tout à fait. Non, mais moi, je suis pour discuter. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on élucide la prochaine fois. Sachant que là, grosso modo... pour être un petit peu transparent sur l'arborescence, ce scénario, il pouvait déboucher sur deux types de scénarios. Et en fait, il y a un scénario, c'était si vous acceptiez de suivre l'entité. De suivre l'entité, d'avoir son pouvoir et tout. Donc là, il y avait un scénario autour de ça. Et bah, là, vous avez plutôt choisi de la fuir, quoi. Donc, du coup, on va partir sur un autre scénario. Parce que vous allez peut-être avoir quelques petits problèmes avec les cultistes. Ah bah venez les mecs, venez. Complètement énervé. Donc en fait je pense qu'il y aura peut-être du cultiste. Il y aura peut-être au prochain scénar. Donc on va te faire plaisir. Je pense que c'est ton nouvel arc de buter du cultiste. Je pense que Erin. Le fait d'être désemparée, soumise, etc., je pense que ça la renvoie à Normand Ferrand. Et que ça, c'est plus, en fait. Ça n'arrivera plus. Enfin, elle peut devenir qui elle veut à partir du moment où elle n'a pas ce sentiment de ça. Donc, je sais ce qu'il faut. Bien. Bah, pour conclure, la dernière question habituelle, c'est... pour la prochaine partie, qu'est-ce que vous appelez comme changement? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez faire évoluer votre personnage? Est-ce que vous voulez un changement dans ma façon de maîtriser? Alors, je ne me permettrai pas de donner des conseils sur ta façon de maîtriser. Non, mais ça peut être des demandes. Enfin, tu peux me donner des conseils, mais tu peux aussi faire des demandes. Genre, est-ce qu'il y a des choses qui étaient sous-traitées? Après, pour mon personnage, je pense, enfin voilà, oui. Encore gros bouleversement. Je pense un peu, enfin oui, réussir, enfin, même s'il va forcément arriver des tas de choses, mais ouais, à se poser deux secondes, quoi. Parce je trouve que c'est la seule promesse, je suis pas sûr de pouvoir. Non, pas possible, garantir, mais ouais, ça fait quand même. Est-ce que tu vas pouvoir chiller beaucoup encore. C'est pas une campagne chill. Hein. Mais ouais, ce serait peut-être quand même essayer de se fixer ouais, voilà, sur quelque chose, une direction. Ouais, ce serait peut-être ça quand même. Mais du coup, ce qui est intéressant, pour parler du changement... Il y a eu un changement de mission de vie, de destin. Il y a eu un changement de nature. Il faudrait peut-être que je m'arrête là sur les bouleversements. Après, ce qui est intéressant à investiguer, je pense, avec ton personnage en termes d'évolution... C'est que du coup, t'as fait ce truc, je trouve, assez intéressant, que tu t'es changé en Korax, mais t'as refusé de te transformer en corbeau pour autant. Donc, il y a quand même une sorte de non-acceptation, quoi, du changement. Et donc, on va pouvoir voir au prochain scénario, est-ce que tu vas le faire, est-ce que tu vas quand même te transformer en corbeau. Et est-ce que l'idée que je t'ai donnée, une idée pourrie, c'est est-ce que tu vas retrouver ombre et innocent dans ton palais mental? Ou pas, parce que ça se trouve, ça marche pas. Alors, en même temps, je te l'ai dit parce que tu avais besoin de l'entendre au moment où on y était. Oui, oui, tout à fait. Je pense et que... j'ai choisi de le croire. Ouais. Moi, je pense que je me souhaite la prochaine fois de. J'ai retrouvé un tout petit peu la Erin d'avant, qui ne sera plus. Voilà, enfin, qui ne sera plus. Mais elle a retrouvé une certaine. Enfin, comment on va dire. Pas uniquement de la rage vis-à-vis des goupilles, et donc. Elle est redevenue un peu plus complexe. Au-delà d'être une chasseuse de primes, voilà, enfin, comme un certain angle là dessus, mais malgré le fait qu'elle soit allée vers la sorcellerie, etc., paradoxalement, je la trouve plus entière et avec plus de sentiments qu'au sortir de Normandferrand. Et qu'on sortit effectivement des aventures qu'on avait traversées. Ouais, ouais, bah, je trouve aussi que finalement, bon, on a perdu tous les PNJ. Non, on a encore Juliette. On a Juliette. Juliette est encore là. Mais je pense que d'une certaine façon, ça a permis de recentrer sur vos persos et de mieux les cerner, en fait. Du coup, c'était plus lisible. Et on a, alors qu'on a enfin, un hiatus de 2 ans. Des fois, on a eu des grosses teams. Hein, on a un hiatus de 2 ans dans la maîtrise énorme. Mais se retrouver avec voilà, plus aucun PNJ, à part Juliette, mais bon, là, qui n'est quand même pas un PNJ beaucoup de RP. C'est un bébé, quoi. Ben voilà, on a pu se recentrer sur les persos et je trouve qu'on les cerne beaucoup mieux. Après, peut-être que justement, aussi, je pense. Les 2 ans d'hiatus permettent d'effacer un peu les souvenirs inutiles et tout. Garder l'essentiel. Voilà, les personnages sont aussi plus simples dans nos têtes parce qu'on a oublié beaucoup de détails qui finalement ne sont que ça, des détails. Quoi. C'est important pour eux, pour les personnages, mais pour nous en tant que joueurs, joueuses, on n'a pas besoin d'avoir toute leur bio en tête pour les faire fonctionner. Quoi. Ok. Et ben, de mon côté, les changements. Pas faire une pause de 2 ans, parce que là, grosso modo, de tête, je crois qu'il reste 4. Là, on a joué un scénario dans la soirée. Je pense que c'est bien, c'est quand même idéal de pas faire les scénarios en 2 soirées. Parce qu'on a vraiment un bloc. Quitte à ce qu'il y a plein de petits détails de scénario que j'ai pas fait jouer, clairement. Mais du coup, je me suis concentré sur ce qui me semblait vraiment important. Donc si j'ai votre accord, je pense qu'on restera quand même dans cette idée de les condenser en une soirée. Tout est plus intense comme ça. Et puis, du coup, il nous resterait a priori 4 séances. Alors, ça peut être un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, mais c'est à peu près ça. Ok. Alors si pour la fois d'après, si j'espère pouvoir commencer à jouer avec ma nouvelle magie. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Oui, clairement. Oui, donc du coup, je dis ça, mais je pense qu'il faudra, ouais, faudra qu'on prenne du temps à la prochaine séance pour voir, parce que tu peux fabriquer des horlas, donc c'est quand même cool. Ouais. Donc il faut qu'on joue ça, qu'on prenne du temps pour ça, ouais. On va essayer des trucs. Ah oui, non, mais Après, je j'ai pense que passé un j'aurais au moins épisode un à crafter, que je suis prétexte. paumé mon craft, J'aurais au moins un prétexte pour que tu puisses le faire et que RP, ce soit logique que tu le fasses. Que tu apprennes à te découvrir aussi lors du C'est prochain que épisode. vous allez être grosso modo pourchassé par des cultistes. Et donc, dans cette optique-là, avoir se refaire un garde du corps, ça Ouais. risque d'être important, quoi. Voilà. Donc, prochain scénario, Ça, ce sera que tout se bien. trouve, on peut peut-être même le builder à deux. Ah là là. Je fais le corps et tu t'insuffles un truc. Ça, je sens qu'ils vont brainstormer quand je vais revenir dans un mois pour jouer. Voilà. Je vais faire des surprises. Ok. Ah oui, ça peut. C'est Et une idée, ben, ouais. à moins que vous ayez d'autres commentaires, on va se remercier et puis se quitter là-dessus, quoi. Pour moi, c'est Merci bon. beaucoup. Merci. Ok. Merci. Merci.